crois pas que je vais tomber là. Crois pas que je vais tomber là. Faut qu'on soit clair, je suis pas ton homme. En quel honneur, je te dois des comptes. Je suis volontaire, pas de sentiment. Aucun tabou, j'aimerais toucher le fond. Arrête tes manies, je te propose de passer, mais tu parles d'être ami. Mon sexe est inuit, je te ferai bien si tu t'y accroches, t'auras des ennuis. Elle a enclenché ma libido. Je t'attacher les mains. Je ne veux pas entendre.